À Paris, c'est-à-dire que on rend aux piétons et aux transports en commun leur place par rapport aux voitures. Ça aurait dû toujours être toquin. Peut-être. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la priorité. Et Emma, c'est Magenta et Jean Jaurès, Gigi, Jean Jaurès. Donc c'est les matos qui sont pour ces espaces qu'on réaménage en ce moment. Donc des nouveaux caniveaux, des pistes cyclables. Voilà. Est-ce qu'il y a une notion de confort urbain dans votre métier? Le mot apparaît ou très peu? Ça existe en Italie, par exemple. On parle du confort du piéton. Disons que quand vous me parlez de confort urbain, je pense au confort au niveau de la marche qu'apportent les pavés sciés que l'on fait aujourd'hui par rapport aux pavés bruts de fendage qu'on faisait auparavant. Mais je n'en vois pas d'autres que celui-là, moi, en ce qui me concerne. Et là, sinon, on est quand même frappé par la masse, là, vraiment au sens physique du terme, de tous les matériaux pour le tramway. Ah oui, ça c'est énorme. Ben, actuellement, on a en permanence entre 5000 et 6000 tonnes de matériaux granit pour le tramway. Pour 8 km de tramway? Oui, pour 8 km de tramway. Je crois qu'il y a à peu près 25 ou 26 000 tonnes à poser. Hein. Alors, donc, il y avait des trottoirs avant que le tramway n'arrivât à cet endroit-là. Alors, on retire ces trottoirs, on vous les amène, ça, les bordures? Tout à fait, on nous ramène toutes les bordures et à charge pour nous de les réhabiliter. Et on va les reposer sur d'autres chantiers parisiens. Elles auront une seconde vie, une fois remises à neuf, ou transformées en pavés pour celles qui sont trop abîmées. Et là, Monsieur Dorien, on est où? C'est une espèce de grande terrasse, mais complètement hétéroclite. On a offert aux fournisseurs potentiels à Ville de Paris un espace pour qu'ils installent leurs produits dans les finitions de leur choix, pour permettre de voir avec le temps comment ils évoluent, comment ils vieillissent. Alors, par exemple, là, c'est des dalles carrées grises qui blanchissent un peu de manière inégale. C'est pas très très beau, ça? Non, ça, c'est un grès qui a mal vieilli, donc qui est passé au gris. Et là, par contre, alors ça, c'est du grès d'Alsace, j'imagine. Voilà, c'est le grès des Vosges que l'on voit sur pas mal de monuments. Quelle différence entre les quatre dalles? Ben là, il y en a certaines qui sont brutes de fendage, d'autres qui sont adoucies et d'autres qui sont flammées, hein, en fonction de l'aspect de surface qu'on fait obtenir. Et là, vous avez une petite préférence, vous, pour le grès d'Erki? Oui, je trouve que c'est un produit magnifique. C'est un rose marbré et je trouve que c'est un produit splendide qui a de très bonne qualité en plus en voirie. Et il est utilisé à Paris? Pas sous cette forme-là, mais beaucoup, beaucoup de pavés de Paris et des pavés rouges que l'on voit viennent d'Erki, parce qu'à une époque, il y avait une très, très grosse fabrication de pavés. Et là-bas, on va se déplacer ce qui est rose, moucheté, noir et gris, là, qui est très beau. Oui, ben ça, c'est ce qu'on obtient sur la fameuse côte de granit rose dans les Côtes d'Armor. Oui. C'est le rose de la Clarté qui est un produit qui est utilisé un peu sur Paris. Là, ça fait à peu près 4-5 ans qu'ils sont en place. Et c'est là qu'on voit les produits qui vieillissent bien et ceux qui s'encrassent. Ça nous permet d'avoir une vision très bonne du vieillissement de ces produits. Oui, nonobstant le fait que là, il n'y a pas d'automobile, parce que ça voit quand même aussi les gaz d'échappement. Ouais, effectivement. Là, c'est juste, c'est juste lié à l'humidité ici, et la solution naturelle, voilà. Et comment on devient ingénieur divisionnaire chargé de l'approvisionnement? Faut avoir déjà une passion pour la pierre. Et au départ, on a une école des ingénieurs de la mairie de Paris dont on est tous issus. Et ensuite, on essaie de trouver des postes qui correspondent à nos passions. Et la pierre, c'est caressant? Ben moi, je trouve que c'est intéressant. Quand on met le nez dedans, on en est vite passionné. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. Éloge du savoir. Aujourd'hui, la Bibliothèque nationale de France et la revue Histoire. La Bibliothèque nationale de France et la revue Histoire se sont unies pour proposer une grande série de conférences, toutes plus passionnantes les unes que les autres, sur le thème « Guerre et religion ». France Culture n'a pas laissé passer cette belle occasion de les enregistrer pour les diffuser dans l'Éloge du Savoir. Ce matin, nous entendrons donc le grand historien Pierre Vidal-Naquet nous parler de la guerre des Juifs. Je rappelle que Pierre Vidal-Naquet est fils de parents morts en déportation, qu'il est avec Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne l'un des plus brillants spécialistes mondiaux de la Grèce antique, mais qu'il s'est également toujours confronté aux horreurs et aux mensonges du monde contemporain. Ainsi, que ce soit la guerre d'Algérie ou encore le négationnisme, a-t-il toujours fait preuve d'un grand courage intellectuel. Il est par exemple signataire avec Michel Foucault et Jean-Marie Domnach en 1971 du manifeste du groupe d'information sur les prisons. Je rappelle également que la guerre des Juifs est le titre d'une œuvre de l'historien du 1er siècle, Flavius Joseph. Cette guerre, quand commence-t-elle et quand finit-elle? En ce qui concerne le début de la guerre, il n'y a pas de question. Elle commence en avril-mai 66 à Césarée. Césarée est une ville où l'on parle grec, le long de la côte, où les Juifs sont présents, mais où le pouvoir est romain. En un sens, on peut dire, et il m'est arrivé de résumer en ces termes tout mon travail sur Flavius Joseph, par cette formule, la diaspora commence à Césarée. La révolution, elle aussi, sous Néron, commence à Césarée. C'est ce que dit Flavius Joseph en 2, 254 et suivantes. Nous sommes en avril-mai 66. Les Grecs de Césarée avaient gagné leur procès contre les Juifs devant Néron. Les Juifs de Césarée avaient une synagogue jouxtant un terrain qui appartenait à un Grec de cette ville. Ils s'étaient souvent efforcés d'acquérir cet emplacement en offrant une somme plusieurs fois supérieure à sa valeur. Le Grec ignora leur proposition et pour leur être désagréable, il fait même bâtir sur cet emplacement et y aménager des ateliers en ne laissant aux Juifs qu'un passage étroit et très incommode. Tout d'abord, les plus batailleurs des jeunes Juifs bondirent sur les constructeurs en essayant de les empêcher de bâtir. Pour régler le problème, les Juifs essayent d'acheter le gouverneur romain Gaius Florus et lui offrent 8 talents, ce qui est une somme tout à fait considérable, pour qu'il interdise les constructions. Gaius Florus empocha l'argent et quitta Césarée pour Sébaste, c'est-à-dire Samarie, laissant le champ libre au constructeur, comme s'il avait vendu aux Juifs le droit de se battre. Le jour suivant était le sabbat. Les Juifs se rassemblèrent à la synagogue et s'aperçurent qu'un Césaréen, connu comme un affreux, s'est déplacé à l'entrée sacrifié des oiseaux sur des vases. Fureur des Juifs, fureur des Césaréens grecs, intervention des troupes romaines et contagion à Jérusalem. Je continue à citer, le démos, c'est-à-dire les notables, se mettent en fureur. Gaius Florus envoya la troupe et les choses se passent non sans humour de la part des Juifs, puisque certains manifestent en criant des injures tout à fait obscènes à l'égard de Florus, le procureur, et passant une corbeille pour mendier petites pièces de monnaie, comme s'il avait besoin de cela. Le malheureux procurateur de Judée n'apprécie pas cet humour et Florus envoie la troupe et la charge d'arrêter tout ce qu'il pouvait. Le résultat, c'est qu'il fit fouetter et tuer jusqu'à 3600 victimes, selon Joseph. Devant son tribunal, le procurateur fit donc fouetter et crucifier les personnes, même appartenant à l'ordre équestre. C'étaient certes des juifs de naissance, mais ils étaient revêtus d'une dignité romaine. C'est là que tout a commencé. Qui était ce Flavius Joseph et par quelle succession de hasards ou de miracles, si vous préférez, son œuvre nous est-elle parvenue? Joseph est né en 37 ou en 38 de notre ère, fils d'un certain Matthias ou Matathias. Il appartenait à une famille sacerdotale. Autrement dit, il aurait pu s'appeler Joseph HaKohen, comme s'appela l'auteur de La Vallée des Pleurs, un livre qui est une longue déploration de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Par sa mère, il appartenait à la lignée des rois asmonéens, c'est-à-dire de ces souverains qui, après l'insurrection contre Antiochos Épiphane, autour de 168 avant Jésus-Christ, gouvernent la Judée. En 143-142 avant Jésus-Christ, la garnison grecque qui occupait la citadelle de Jérusalem la quitte. Joseph est ce qu'on appellera dans la tradition juive un Wunderkind, docteur de la loi, dès sa 14e année, en 52 de notre ère. À 16 ans, il a fait, selon son autobiographie, le tour des sectes juives et s'est même imposé un séjour au désert. En 64, il accompagne à Rome un groupe de prêtres auprès de l'empereur Néron. Il découvre une autre face du judaïsme. Le mime favori de Néron est un juif et son épouse Poppée est une craignante Dieu. Le mot grec est théosébès. S'agit-il d'une convertie ou d'une prosélyte? On a beaucoup discuté de cette question. Mes amis Édouard Ville et Claude Orieux ont publié dans la collection que je dirige avec Michel Desgrange un livre qui s'intitule « Prosélytisme juif, histoire d'une erreur ». L'un et l'autre ont aujourd'hui disparu, mais ils savaient que je n'avais pas été entièrement convaincu. Pour dire les choses, il y a, en un mot, il y a un passage célèbre de l'Évangile. Vous parcourez les mers, vous franchissez les mers et les fleuves pour faire un prosélyte. J'ai du mal à comprendre le cursus d'un homme comme saint Paul, né juif, élevé au pied de Gamaliel, qui va de l'Asie mineure à la Grèce et pour finir à Rome, pour expliquer aux circoncis et aux gentils que le Messie, le roi attendu, était arrivé. J'ai du mal à comprendre comment un phénomène comme saint Paul a pu se produire s'il n'existait pas un terrain, donc au minimum l'existence de judaïsants, sans l'existence desquels on ne comprendrait pas que dans tout l'Empire, il se serait révélé des hommes et des femmes qui, spirituellement, descendent non des dieux de la Grèce, mais d'Abraham, Isaac et Jacob, et ceci sans qu'il y eût, comme ce sera le cas dans un autre phénomène de conversion massive, la conquête arabe et musulmane des 7e et 8e siècles, sans qu'il y eût quelque pression militaire que ce soit. Le christianisme a conquis une large partie du monde gréco-romain en 3 siècles. Est-ce tout à fait concevable si le terrain n'avait pas été préparé par la dispersion des juifs dans le monde méditerranéen? Je veux bien qu'on ait parfois exagéré le phénomène. Ville et Orieux l'expliquent par un mythe créé au XIXe siècle par le protestantisme libéral allemand. Jésuite allait suivre jusqu'au bout. Joseph écrit La guerre des Juifs entre 76 et 79. Le récit de la guerre proprement dite commence au début du livre 3, lorsque Néron, apprenant les troubles qui secouaient la Judée, désigne Vespasien comme seul capable de pacifier ce que Joseph appelle l'Orient ébranlé. Il lui fallait, écrit Joseph, au début du livre 3, un homme qui fût capable de réprimer le soulèvement des Juifs et en même temps de prévenir l'extension du mal dans les nations voisines déjà contaminées. Il ne trouva que Vespasien qui fut à la hauteur de la situation et capable d'assumer la charge d'une guerre de cette dimension. C'était un homme qui avait été à la vanguarde dès sa jeunesse à l'armée et avait blanchi sous le harnois. Il avait précédemment pacifié l'Occident bouleversé par les Germains. Il avait ajouté à l'Empire la Bretagne, ce que nous appelons aujourd'hui la Grande-Bretagne, jusque-là ignorée et conquise par son génie militaire, prouvant ainsi à Claude, officier adoptif de Néron, un triomphe exempt de peine. Il avait par-dessus le marché deux fois, nous dit Joseph, fourni son bras au service de l'intelligence paternelle, et deux fils qui, dit Joseph, fourniraient leur bras au service de l'intelligence paternelle, et Joseph d'ajouter cette formule tout de même stupéfiante, Vespasien était peut-être ainsi poussé par Dieu, qui pourvoyait déjà à l'organisation de l'Empire. Vous savez que Joseph est celui qui a prédit l'Empire à Vespasien. Il a, dans la tradition des textes hébraïques, il a joué, c'est Yohanan ben Zakkai qui a joué ce rôle, en disant à Vespasien, tu dominais impérateur. La formule est remarquable, et l'ambition de Joseph est de fournir dans un texte écrit en grec la question de savoir s'il y a eu un texte araméen précédent n'est pas vraiment tranchée. Le texte est écrit en grec et Joseph nous dit que la révolte juive était perdue d'avance puisque Dieu était du côté des Romains. D'où cette formulation tout de même assez étonnante. La guerre menée par les Juifs contre les Romains est plus considérable non seulement de celle contre tout autre peuple dont le récit nous est parvenu et qui ont été cités, ou contre toute autre nation. J'ai jadis écrit que ce qui éclate dans cette formulation, c'est l'immense orgueil d'être juif. S'agit-il d'une mégalomanie? Je suis plus sensible aujourd'hui qu'il s'agit surtout d'un pastif de Thucydide qui écrit au début de la guerre du Péloponnèse la formule que voici. Ce fut bien le plus grand mouvement qui émut la Grèce et une fraction du monde barbare. Il gagna, pour ainsi dire, la majeure partie de l'humanité. S'agissant d'un conflit qui, aux yeux de Voltaire, ne faisait s'affronter qu'un certain nombre de populations de la péninsule balkanique et de l'Asie mineure, on se demande effectivement s'il n'y a pas eu là un petit peu de mégalomanie. Et pourtant, aux yeux de l'historien, qui d'Hérodote, de Thucydide ou Joseph est le plus mégalomane? Mon premier patron, Henri Van Effenter, a publié il y a quelques années un livre intitulé « La Grèce, des origines à la défaite de Marathon ». Nous avons tous appris, quand nous étions au lycée, que Marathon et Salamine ont vu s'affronter le despotisme solennel qui caractérisait l'Empire perse et la liberté du citoyen grec qui n'obéit qu'aux lois de sa cité. Chez Hérodote, par exemple, c'est ce qu'explique Démarate, roi exilé de la Célémone, à Xerxès, qui règne sur l'Empire perse. À dire vrai, je ne reste persuadé que Marathon ne fut pas une défaite, et je le crois encore moins que Salamine, en 480, fut une victoire honteuse, parce que remportée sur mer par le démos athénien, constitué depuis Clisthène, héros de mon premier livre écrit avec Pierre Lévêque, fondateur de ce qu'on appellera plus tard la démocratie. Mais Joseph avait-il entièrement tort? Il m'arrive, je le confesse, de penser que la conquête chrétienne a été rendue possible par la victoire de Rome sur les Juifs. La Grèce conquit son farouche vainqueur, Grecia capta sevum victorem sepit. On est tenté d'adapter la formule aux Juifs dans leur rapport avec Rome. En tout cas, sans la christianisation de l'Empire, on ne s'expliquerait pas la préservation du texte de Joseph. S'agit-il de réhabiliter le fameux Testimonium Flavianum? On sait, vous savez probablement tous, que dans un passage du livre 18 des Antiquités juives, écrit à la fin du 1er siècle, on lit ceci. En ce temps-là, il y eut Jésus, un homme, ça, si du moins il faut l'appeler un homme. En effet, il était l'auteur de choses étonnantes, un maître pour les hommes prêt à recevoir des vérités avec plaisir. Il attirait à la fois beaucoup de juifs et beaucoup de gens du groupe des Grecs. C'était le Christ, c'est-à-dire le Messie. Quand Pilate, sur dénonciation des principaux de chez nous, l'eut condamné à la croix, ceux qu'il avait dès le début aimé ne cessèrent pas. En effet, il leur apparut le troisième jour, de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient annoncé en même temps que des milliers d'autres choses admirables à son sujet. Maintenant encore, le groupe des chrétiens, comme on les nomme d'après lui, n'a pas disparu. Ce texte a fait l'objet d'innombrables commentaires, formant des milliers de pages. Dans un livre publié il y a moins de 3 ans, mon ancien étudiant Serge Bardet, Le Testimonium Flavianum, examen historique, considération historiographique, a plaidé discrètement, c'est un livre paru au CERF, a plaidé discrètement mais fermement pour l'authenticité de tout le passage, alors qu'un certain nombre d'érudits, de toute confession ou sans confession, de tout, plaident pour l'interpolation, interpolation totale ou interpolation partielle. Je pense pour ma part qu'il est très difficile de croire que Joseph a écrit ce texte dans sa totalité, car il a été écrit au minimum par un judéo-chrétien. Je crois aussi, comme Arnaldo Momigliano, que la guerre des Romains contre les Juifs a été considérée par les chrétiens vainqueurs comme un gigantesque testimonium flavianum, comme la preuve que les Juifs avaient eu le tort de tuer le Messie, la victoire des Romains étant le signe qu'il était temps de passer de l'ancienne alliance à la nouvelle, de l'Ancien Testament au Nouveau. Une inspiration qui ne concernait pas que les chrétiens, qui étaient encore une secte juive, qui ne participa pas du reste à la révolte de 70. Je rappellerai une dernière fois la formule que Jean prête à Jésus, « Mon royaume n'est pas de ce monde », c'est une polémique contre les insurgés, et il en est de même d'une autre maxime célèbre, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Certains groupes extrémistes refusaient de se servir de la monnaie parce que l'effigie de César était représentée, ce qui violait l'interdit de l'image humaine, interdit que les Juifs étaient loin de tous respecter. Avant de laisser la révolte des Juifs exploser pour 4 ans et même pour 7 ans, si on la prolonge jusqu'à la chute de Massada, Joseph s'accorde et nous accorde un moment de repos en donnant la parole au roi Agrippa II. Ce roi qui ne régnait pas sur Jérusalem et qui était un descendant, un arrière-petit-fils d'Hérode, mais qui descendait aussi des rois asmonéens issus de la révolte des Maccabées, Maccabée, autrement dit, c'était un cousin lointain ou proche, on ne sait pas, de Joseph. Il a peine besoin de dire que ce discours est une reconstruction. Joseph n'était pas présent, et si le discours a été sténographié, si j'ose dire, Joseph ne put y avoir accès. C'est une tradition de l'historiographie gréco-romaine que de refaire les discours. Joseph lui-même, dans ses antiquités, fabrique le discours qu'Abraham tient à son fils Isaac pour l'exhorter à se faire égorger. On a hâte de voir arriver le bélier sauveur. Mais il se fait très longuement attendre. Ce discours du roi Agrippa II est intéressant parce que Joseph en fait son porte-parole. C'est un discours qui porte la marque de l'après-coup. Autrement dit, il prédit tout ce qui va se passer avec une lucidité qui relève de la rétrodiction. Contrairement à la tradition de l'historiographie gréco-romaine, qu'il s'agisse de Thucydide ou de Tacite, le discours d'Éléazar n'est pas accompagné d'un discours qui prenne le contre-pied de ce qu'il affirme. C'est un discours solitaire qui n'a qu'un mérite capital aux yeux de Joseph, celui de prévoir très exactement ce que sera l'avenir. Ce discours est tenu oxyste, ou c'est-à-dire au gymnase, depuis la terrasse du palais des Asmonéens, oxyste où le peuple s'était rassemblé. Le lieu est d'autant plus symbolique que la révolte des Maccabées au IIe siècle avant notre ère avait pris comme prétexte les exercices de gymnastique que pratiquaient les Juifs hellénisés. Le gymnase est le signe de l'acculturation à la culture dominante, un peu comme aujourd'hui le blue jean ou la musique de jazz est un signe d'acculturation à la civilisation américaine. Que dit Agrippa II pour convaincre la foule? Détail pour nous pittoresque, il est accompagné de Bérénice, sa sœur, qui n'est autre que l'héroïne de Racine, bien connue de nous tous. Que dit donc Agrippa II? Cela pourrait se résumer dans un vers fameux de Corneille, « Et Rome est aujourd'hui la maîtresse du monde », ou encore « Ah, ne me brouillez pas avec la République ». Et Agrippa explique à son auditeur enfiévré, son auditoire enfiévré, qu'il ne faut pas confondre un procurateur malhonnête avec Rome. Je cite « Mettons que les fonctionnaires se montrent d'une dureté intolérable. Il ne s'ensuit pas que tous les Romains, y compris César, vous exploitent. C'est pourtant contre eux que vous allez faire la guerre. Ils ne font pas exprès de vous envoyer un scélérat. Et ceux qui sont en Occident ne peuvent pas suivre des yeux tous ceux qui sont en Orient. C'est l'appel classique dans tous les conflits coloniaux du gouverneur tyrannique au pouvoir métropolitain supposé bon et généreux. Saint Paul fera cette expérience et il perdra la tête et la vie, décapité parce qu'il est tout de même un citoyen romain. Et Agrippa, dont je reprends le discours, ajoute « Il serait d'ailleurs facile de remédier à ce qui provoque nos plaintes car ce même procurateur, Gaius Florus, ne restera pas ici éternellement, et il est vraisemblable que ses successeurs se présentent avec des dispositions plus équitables, tandis que la guerre, une fois déclenchée, il n'est pas facile de l'arrêter ou de la continuer sans risque de calamité. Mais de toute façon, la passion que vous éprouvez actuellement pour la liberté n'est plus de saison. C'est antérieurement qu'il aurait fallu vous battre pour ne pas perdre la liberté, car il est pénible, en face de l'expérience de la servitude, et légitime de lutter pour y entrer, ne pas y entrer, mais l'homme qui, une fois servi, cherche à se dégager, est un esclave récalcitrant et non un ami de la liberté. C'est au moment où Pompée pénétrait sur votre territoire, sur notre territoire, c'est-à-dire en 63 avant Jésus-Christ, qu'il fallait tout faire pour ne pas accepter les Romains. Et Agrippa de faire en commentaire, vous n'êtes pas des Athéniens, vainqueurs de l'Empire perse à Salamine, et il fait en quelque sorte le tour du monde de la domination romaine. Qui sommes-nous, nous, malheureux juifs, face à un tel empire? Est-ce que par hasard vous croyez que c'est contre des Égyptiens ou des Arabes que vous partez en guerre? Vous me direz que l'esclavage est intolérable. Combien l'est-il plus pour les Grecs, et qui l'emportent en noblesse sur tout ce qui vit sous le soleil et qui ont peuplé un si vaste territoire et qui obéissent maintenant à des faisceaux romains? Et les Bretons, et les Gaulois, et les Éthiopiens, et les Égyptiens. Argument extrême et final, la diaspora. Je cite. Le danger n'est pas seulement pour les Juifs d'ici, mais pour ceux qui sont installés dans des villes étrangères. Si vous faites la guerre, leurs ennemis les égorgeront tous, et à cause de la fatale décision de quelques-uns, leurs ennemis, il n'y aura pas une cité qui ne soit arrosée de sang juif. Et Agrippa d'ajouter, ce qui est un bel exemple d'hypocrisie joséphienne, de telles maisons pourraient trouver, de tels massacres pourraient trouver une excuse, mais s'ils ne se produisent pas, songez combien il serait impropre de prendre les armes contre des adversaires si humains. Et il termine en soulignant le danger de la guerre pour ce que les Juifs ont de sacré, leur temple. Ayez pitié, sinon de vos enfants et de vos femmes, au moins de votre mère patrie et de cette enceinte sacrée, c'est-à-dire l'enceinte du temple. Épargnez le temple et préservez pour vous-même le sanctuaire et le tabernacle, car les Romains, eux, après la victoire, ne la respecteront plus, puisque de leur avoir épargné dans le passé de leurs armes ne leur ont valu que la gratitude. En ce qui me concerne, je prends à témoin votre tabernacle, les saints anges de Dieu et notre commune patrie, que je n'ai rien omis de ce qui peut assurer votre salut. Vous, de votre côté, prenez les décisions qui s'imposent et vous jouirez de la paix avec moi. Si vous vous abandonnez à votre passion, vous affronterez le danger sans moi. On pourrait faire un long commentaire de ce texte capital. Selon Joseph, Agrippa parvint d'abord à convaincre le peuple, mais il poussa le bouchon un peu trop loin en cherchant à persuader le peuple d'obéir encore à Gaius Florus, le vilain procurateur, en attendant que César, c'est-à-dire Néron, lui ait donné un successeur. Fureur du peuple qui injurie le roi et les chaos dans Jérusalem. Peu après, tandis qu'une fraction des révoltés s'emparait d'une forteresse appelée Massada, qui avait été créée avec l'Hérodion et Machéronte, non pour servir les Juifs, mais pour les surveiller, créée par Hérode, un jeune homme, Éléazar, chef de la police du temple, persuada les ministres du culte de ne pas accepter de présents ni de sacrifices d'aucun étranger. Ce fut, dit Joseph, le fondement de la guerre avec les Romains, car ils rejetèrent les sacrifices offerts pour le compte des Romains et même pour le compte de César. C'est sur ce point précis que se produit la rupture. Il s'agit donc bien d'une guerre de religion, non pas entre le monothéisme juif et le paganisme gréco-romain, mais entre le monothéisme juif et le sacrifice au temple, qui le caractérise d'une part, et le culte impérial qui, d'une certaine manière, était le seul qui unifia l'Empire, et Joseph de donner cette précision, les ministres du culte ne se présentaient même pas, préparant par leur attitude le fondement de la guerre. C'est à ce moment que s'installe le parti le plus extrémiste, celui des sicaires. Ces derniers, dont je reparlerai, sont des pharisiens dans les sectes juives, mais ils ont la sicca, le poignard à la main. De même que les socialistes révolutionnaires étaient, selon les marxistes, des libéraux, les bombes à la main. Ce sont des hommes qui ne veulent d'autre maître que Dieu, et ils sont dirigés par Menachem, fils de Judas le Galiléen, qui jadis, au temps du recensement de Quirinus, celui dont parle l'Évangile, avait semé la révolte. Ce Menahem se comporte en roi, il tente de s'emparer de Jérusalem, il est tué et ses disciples rejoignent Massada. En somme, le dernier acte de la tragédie est contenu dans le premier. Et cela montre, si je ne me trompe, avec quel soin méticuleux Joseph a composé son livre. On l'a appelé le Thucydide des Juifs. Il y a de cela, avec cette différence qu'il a achevé non seulement sa guerre, mais encore le Contrapion, polémique contre les antisémites d'Alexandrie, son autobiographie, œuvre presque unique dans l'historiographie grecque, et les Antiquités, sorte de targoum, d'adaptation en grec de la Bible, qui va depuis la création du monde jusqu'à l'éclatement de la guerre de 70-6. Le tout se situant jusqu'à sa mort aux environs de 100. De juif de Jérusalem, il était devenu un juif de Galilée, puis le juif de Rome, pour reprendre le titre célèbre de Léon Feuchtwanger, livre d'un auteur marxiste qui a fait en sorte que Flavius Joseph devienne célèbre dans feu l'Union soviétique. Ismaïl Kadaré, par exemple, m'a expliqué qu'il avait ainsi découvert Flavius Joseph à Moscou quand il y était étudiant. J'ai donc essayé de vous montrer comment, selon Joseph, commença la guerre. Il est, et de loin, notre source principale. Toutes les autres, y compris Suétone et Tacite, dépendent directement ou indirectement de lui. Il est le seul à avoir tenté de nous faire comprendre que le judaïsme était à la fois une nation et une religion. J'ai parlé tout à l'heure de l'existence des convertis, qui ne sont pas un mythe, comme le croyaient mes amis Claude Orieux et Édouard Ville. Il y a un exemple saisissant, c'est celui des rois d'Adiabène. L'Adiabène se situe en haute Mésopotamie, sur la rive gauche du haut Tigre. Ces rois étaient devenus juifs. Agrippa, dans son discours, donne leur exemple pour montrer le risque que couraient les gens de la diaspora. Si la guerre s'ouvrait contre les Romains, il y a à Jérusalem un endroit bien connu de ceux qui ont visité la ville. La première fois que ma femme et moi sommes allés là-bas, c'était en 70. Un collègue de l'école des hautes études, il s'appelait David Achtor et son nom primitif était Strauss, s'offrit à nous faire le tour de la ville, proposition acceptée avec joie. À un moment, il nous montre un site peu visible dans le noir et nous dit « Voici les tombes de nos rois », avec un accent autrichien inimitable. De même, Elie Ben Gal, ex-Elie Block, lyonnais d'origine devenu israélien, Ben Gal, quelque chose comme fils de France, ce qui suggère qu'il connaît l'étymologie de Block, qui n'est autre que Gallicus, ce qui aurait certainement enchanté Marc Block, patriote français s'il en fut. Or, Elie Ben Gal, dans un livre où il rappelle comment il servit de guide à Sartre et à Simone de Beauvoir, parle aussi de ce tombeau des rois d'Israël. Une inscription accueille le visiteur, « République française, tombeau des rois ». Or, ces rois ne sont nullement des rois d'Israël, mais des rois d'Adiabène qui étaient venus se battre aux côtés de leurs frères juifs. Cela souligne le paradoxe de cette guerre. Insurrection nationale contre l'occupant, contre l'occupant romain, mais aussi révolte religieuse. Mais cette révolte religieuse est très loin d'être unifiée. Ce qui a stupéfié les contemporains et les historiens, par exemple Tacite, est que Jérusalem, assiégée, est divisée en secteurs occupés par des chefs qui mènent une guerre civile en même temps qu'une guerre extérieure. Éléazar occupe le temple, Simon Bar-Géras les enceintes, et Jean de Giscala un troisième secteur encore. Tacite explique-t-il que l'unification se fit en fin de compte sous le choc de l'assaut romain, mais Joseph le nie et parle d'une division permanente. C'est seulement au moment de l'assaut final que Simon Bar-Géras, chef venu du sud du pays, fut proclamé par héros que les soldats du temple occupés par Éléazar pouvaient gagner les remparts et se battre contre l'ennemi romain en toute sécurité. C'était tout de même la moindre des choses et il est un peu tard. En tous les cas, on range sous le nom de zélotes, c'est-à-dire de ceux qui brûlent de zèle pour le Dieu d'Israël, des factions fort différentes les unes des autres. On pense inévitablement à la guerre d'Espagne, qui a connu dans le camp républicain des conflits du même style, même s'ils n'étaient pas officiellement religieux. En tous les cas, ce que démontre cette étrange situation, c'est que le judaïsme avait en quelque sorte explosé. À la traditionnelle division en sectes, pharisiens, esséniens, sadducéens, était venue se superposer une division en factions, sans qu'on sache exactement quels sont les rapports entre les sectes et les factions. Il y a là matière pour une discussion infinie, et contrairement à ce qu'on pouvait espérer, la découverte des manuscrits de Qumran n'est pas venue éclairer le débat, puisqu'il y a sur ces manuscrits deux thèses extrêmes. S'agit-il de la bibliothèque d'une secte, on dit généralement les Esséniens, et ce fut une hypothèse d'André Dupont-Sommer. Ce célèbre érudit qui se prenait un peu pour Ernest Renan, ce qu'il n'était pas tout à fait, ou encore comme telle chercheuse israélienne, s'agit-il d'une bibliothèque générale juive mise à l'abri pour échapper aux Romains et qui ne fut retrouvée que par un berger poursuivant une chèvre égarée. Si tel fut le commencement de la guerre et si telle fut la guerre elle-même, comment en définir la fin? Faut-il la placer en 70, lorsque Jérusalem fut enfin capturée et le temple incendié, ce dont Joseph exonère Titus avec beaucoup de flagornerie? Joseph explique que les responsables sont ceux que Norman Cohn aurait appelé les fanatiques de l'Apocalypse, ceux qui estimaient qu'au fond de l'abîme, la résurrection est là, atteignable, parce que, précisément, c'est de l'immensité du désastre que naît le triomphe et la résurrection. Il y a une dimension apocalyptique dans le christianisme, dans la mesure où la mort rend possible la résurrection du Christ. Mais il ne s'agissait pas en 70 de la résurrection d'un individu, fut-il divin, mais d'un triomphe collectif, et cette résurrection-là ne se produisait pas. Toujours est-il que le 9 av est resté jour de deuil pour les Juifs, rejoignant d'autres événements qui, par un hasard miraculeux, se sont produits eux aussi le 9 av. Reste que la guerre se prolongea jusqu'en 73, dit-on généralement, jusqu'en 74, disent d'autres, jusqu'à la chute d'un dernier bastion, Masada, qui a acquis depuis la valeur symbolique que vous lui connaissez, pour peu que vous ayez ou non visité Israël. Masada fut-elle le dernier combat des Zélotes, comme le dit un livre célèbre du général Yadin, archéologue et homme politique israélien, qui a mené la fouille de ce site célèbre auquel on accède aujourd'hui commodément en ascenseur. Qu'il y eut là un siège se laisse voir au premier coup d'œil. Il n'y a guère que l'illustre professeur Forisson à avoir écrit que les fouilles ont démontré que la bataille et le siège n'avaient jamais existé. J'ai eu le plaisir d'exhumer cette énorme sottise dans un article du Monde, et depuis, je n'ai plus entendu beaucoup parler de ce monsieur. Toute la question est de savoir si ce siège s'est terminé effectivement par le suicide collectif décrit par Floyd Joseph, avec un mélange d'admiration et d'effroi, et si l'on a retrouvé les jetons qui ont servi au tirage au sort qui choisit les dernières victimes. Joseph nous raconte cette histoire avec un mélange d'admiration et d'effroi. Et il tient son récit indirectement de deux femmes témoins du drame. L'une est âgée, l'autre parente d'Éléazar, chef de la révolte, chef des troupes de Masada, une mère de 5 enfants, très au-dessus de la plupart des femmes, par son intelligence et sa culture, dit Joseph. Toutes deux s'étaient cachées dans les aqueducs souterrains. Comme ce sont ces femmes qui ont raconté toute l'histoire et reproduit au mot près le double discours d'Éléazar, fils de Jaïr, chef de la garnison. Il faut supposer, comme le dit un éminent spécialiste de Joseph, L. H. Feldman, que l'acoustique était excellente dans ses canalisations. Ces discours sont pleins de références à la philosophie grecque et aux théories sur l'immortalité de l'âme. Je ne cacherai pas à ce sujet mon total scepticisme et je ne suis pas partisan du récit sur le modèle « La marquise sortit à 5 heures » où, en l'espèce, Éléazar rassembla la garnison et la retint à peu près ce langage. Il existe sur ce sujet une gigantesque bibliographie que j'ai lue de mon mieux sans croire que le problème soit soluble. Tout récemment, on me téléphonait pour me dire que dans une grotte près de Masada, on avait trouvé des corps et que près de ces corps, il y avait des traces de porc. Est-ce que ce porc était consommé par des prisonniers juifs ou est-ce qu'il était consommé par des Romains? Personne n'est là, naturellement, pour nous le dire. Est-ce la fin de la guerre des Juifs? Oui, selon la traduction latine de Joseph, œuvre d'un certain Hégésippe. Non, pour l'adaptation de Joseph, connue sous le nom de Yossipone, et dont il existe d'innombrables versions. La Masada s'appelle Metzira, et les Juifs sont commandés par Joseph Ben-Gurion, refusent de se rendre et meurent en combattant noblement. Non pour Joseph lui-même qui continue en racontant de nouveaux crimes des Sicaires, notamment à Cyrène en Libye. Un certain Jonathan participa à ces crimes et poussa la perversité jusqu'à dénoncer à l'autorité impériale les Juifs les plus en renom d'Alexandrie et de Rome, et parmi eux, Joseph, auteur de ce livre. Cet affreux Jonathan fut brûlé vif après avoir été torturé. Cette fois, Joseph peut conclure. Ici prend fin l'histoire que nous avons tenter de transcrire avec toute l'exactitude acribeia possible à ceux qui veulent apprendre comment cette guerre a été menée par les Romains contre les Juifs pour le style que les lecteurs en soient juges, mais pour ce qui est de la vérité, je n'hésiterai pas à affirmer hardiment qu'à travers tout mon récit, je n'ai pas eu d'autre but qu'elle seule. Cette fois, c'en est fini de la guerre des Juifs, mais l'histoire, elle continue, et nous-mêmes, jusqu'à nos jours, jusqu'à ce mythe de Masada, qui est un des nœuds de l'histoire d'Israël. Oui, disait Golda Meir, nous avons le complexe de Masada. Espérons qu'il n'étranglera pas le timide espoir de paix qui, lui, aujourd'hui, sur le Proche-Orient. Merci. Si vous avez des questions, je suis naturellement prêt à y répondre si je peux. De quand datent les premiers manuscrits qu'on connaît actuellement de Joseph? Il y en a un tout petit morceau dans un papyrus d'Alexandrie qui doit être du IIIe siècle de notre ère, autant que je me souvienne. Sinon, les manuscrits sont beaucoup plus tardifs. Ils sont autour du Xe siècle. Mais le petit bout de papyrus qu'on a retrouvé confirme la bonne qualité de la tradition. Il y en a à la Bibliothèque nationale, il y a un magnifique manuscrit de la guerre illustré au XVe siècle qui est une splendeur. Oui. Moi, j'aimerais savoir si comment les textes de Joseph se sont transmis. Est-ce qu'ils étaient connus, par exemple, au Moyen-Âge, des savants juifs de l'époque? Est-ce qu'ils ont été redécouverts à une époque plus moderne ou autre? Ce ne sont pas les savants juifs qui ont conservé les textes, ce sont évidemment les chrétiens, pour des raisons absolument évidentes. Le premier signe d'un intérêt d'un savant juif pour Joseph se situe au XVIe siècle par un type qui s'appelait Azaria dei Rossi. C'est beaucoup plus tard encore que les savants juifs s'y intéressèrent, et ce n'est pas avant le XVIIe siècle, je crois, qu'il y eut une traduction en hébreu à Constantinople. En tout cas, c'est très tardivement. Alors, naturellement, Flavius Joseph, qui était, comme le dit Yadine, un mauvais juif, mais un très bon historien, il a tout de même sa rue à Jérusalem, mais c'est une toute petite rue. Et on ne peut pas dire que l'homme soit extrêmement populaire. Mais ils sont bien obligés de passer par là, et il est évident que les Israéliens d'aujourd'hui ne peuvent pas faire l'histoire sans Flavius Joseph. D'autant plus qu'il est un très bon topographe. Un savant israélien qui s'appelle Morgan Brashy a montré que les descriptions de Jérusalem ou de Masada par Joseph étaient d'une remarquable exactitude. Et c'est ce qu'a constaté Yadin lui-même dans sa fouille de Masada. Est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes qu'a fait cette guerre? Écoutez, Joseph donne des chiffres faramineux. Mais je dois dire qu'en cela, il ne fait qu'imiter la tradition historiographique des Grecs qui donnent des chiffres pour l'armée de Xerxès absolument faramineux. Il est peu probable qu'un million d'hommes et débarquer sur la plage de Marathon. C'est quand même peu probable. Et ce sont des chiffres de ce genre que donne Joseph, celui que je vous ai donné tout à l'heure, les 3600 crucifiés au début de la guerre, est un des plus modestes. C'est par centaines de milliers qu'il estime le nombre des victimes. Et il dit que il éprouve des sentiments d'ailleurs assez bizarres. Il raconte qu'il a vu des milliers de gens crucifiés et il raconte cela avec une tranquillité d'âme qui me plonge dans la stupéfaction. Tous n'ont pas été massacrés, puisque plusieurs milliers d'entre eux sont arrivés à Rome pour le triomphe de Vespasien et de Titus. Entre-temps, Vespasien avait saisi le pouvoir. Il était devenu empereur et c'est Joseph qui le lui avait prédit. Et sur ce point, la tradition talmudique s'accorde. Sauf que Joseph est remplacé dans la tradition talmudique par Yohanan ben Zakkai, qui dit à Vespasien, tu domine imperator, toi tu es le seigneur empereur. Est-ce que les sources grecques et romaines confortent les analyses de Joseph avec précision ou est-ce que parfois il y a contradiction? Les sources grecques et romaines dépendent essentiellement de Flavius Joseph. Le seul récit un petit peu détaillé est celui de Tacite. Et il ne contredit pas Joseph. Suétone le cite directement et l'appelle le Tite-Live des Juifs, Livius. Par conséquent, sans lui, nous ne saurions presque rien. Un épisode comme Massada serait totalement inconnu. Concernant Agrippa II, vous avez donc parlé de son discours pour les Juifs. Oui. Et quelle était sa position une fois la guerre déclarée? Ah ben, il a participé au siège de Jérusalem. Il n'a fait preuve d'aucun patriotisme juif. Il a participé à l'armée de Vespasien et de Titus. Non, ça, c'est pas un personnage très glorieux pour la tradition juive. Bien qu'il se soit trouvé des textes à sa gloire, naturellement. Flavius Joseph se présente comme un juif religieux. Oui. Est-ce que cela veut dire que la pratique du judaïsme était autorisée à Rome? Et d'autre part, quelle était la population juive à Rome à cette époque-là? Elle était certainement considérable. Il y a là-dessus, sur les Juifs de Rome, un travail classique de Léon. Et les Juifs, on estime assez souvent que les Juifs pouvaient représenter jusqu'à un cinquième ou un quart de la population de Rome. Ils n'ont pas participé à la révolte. On peut visiter à Rome, si on est bien introduit, les catacombes juives qui sont essentiellement du deuxième et du troisième siècle et qui généralement portent des noms en grec. Certainement, ces juifs de Rome étaient largement hellénisés. C'est à eux que s'adresse saint Paul, et saint Paul s'exprime naturellement en grec. Mais il est difficile de donner une évaluation précise, mais certainement, ils étaient nombreux. Éloge du savoir, aujourd'hui, la Bibliothèque nationale de France et la revue Histoire avec Pierre Vidal-Naquet. Réalisation Thomas Duterre, présentation Christine Goémé. Dance. Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture, il est 6h59, Nicolas Demorand au micro, le programme des matins de France Culture, aujourd'hui vendredi 22 septembre 2005, toujours en légère musique, vous l'entendez à 7h20, les enjeux internationaux sur l'emploi et la protection sociale en Chine à propos de la parution d'une étude de l'OCDE. Puis à 7h40, notre invité sera tout à l'heure l'anthropologue Cléa Koff, anthropologue médico-légal pour donner son titre exact et se faire une idée du métier qu'exerce ou a exercé Cléa Koff en Croatie, en Bosnie et au Rwanda, dans tous ces pays ou dans toutes ces régions qui ont connu des guerres, des génocides, des épurations ethniques. Pour que la justice internationale puisse faire son travail, il faut que les circonstances de chacune de ces morts soient connues ou élucidées. C'est donc à ce stade qu'intervient Cléa Koff, faire parler les morts des charniers, essayer de reconstituer les circonstances de leur décès pour que justice puisse être faite. Cléa Koff a publié un livre de témoignages qui s'appelle La mémoire des eaux et elle vient de recevoir le prix des droits de l'homme à Nancy. Elle est donc notre invitée tout à l'heure. Il est 7h. Première édition du journal, Véronique Pellerin. Bonjour Véronique. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Rita progresse vers le Texas, l'ouragan quelque peu faibli dans le golfe du Mexique, mais Houston a été évacué de ses habitants. Le président Bush, durement critiqué pour l'imprévoyance de son administration lors du passage de Katrina en Louisiane, se rend aujourd'hui sur place pour s'assurer que toutes les mesures ont bien été prises. En Grande-Bretagne, l'opposition reprend sa campagne contre la guerre en Irak après les incidents de Bassora. Les libéraux, démocrates et les travaillistes estiment que Tony Blair, le Premier ministre, refuse de voir la réalité. Une manifestation contre la guerre est prévue demain à Londres. L'Iran ne sera pas traîné par les Européens devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. La troïka germano-franco-britannique chargée de négocier avec Téhéran sur son programme nucléaire renonce à affronter les vétos prévisibles de la Russie et de la Chine. HP doit-il rembourser les aides publiques perçues il y a 7 ans pour s'implanter en Isère? Le Premier ministre Dominique de Villepin trouve normal que le groupe informatique américain qui envisage de supprimer 1200 emplois en France rembourse ses subventions. Le Conseil général de l'Isère plonge dans ses archives pour en établir le montant exact. Le ministre de la Cohésion sociale Jean-Louis Borloo annonce des mesures qui accéléreront, dit-il, la création des logements sociaux. Les associations sont sceptiques. Les évacuations d'immeubles insalubres se poursuivent à Paris et en banlieue. Le président Bush se rendra aujourd'hui au Texas pour s'assurer par lui-même que tout est en place pour l'arrivée de l'ouragan. Rita a quelque peu perdu de sa force au cours de ces dernières heures, mais les vents soufflent quand même à 230 km/h. Des centaines de milliers d'Américains ont écouté les autorités. Ils sont partis en abandonnant leur maison, en particulier à Houston, la capitale du Texas, comme nous le raconte notre envoyé spécial, Marc Crépin. Houston est devenue une ville fantôme. Ses 2 millions d'habitants ont disparu. Hier soir, les immenses avenues qui sillonnent la ville n'étaient fréquentées que par de rares voitures de patrouille de police. Seuls quelques grands hôtels du centre-ville connaissaient encore une légère animation. Les équipes de secours, les techniciens venus des plateformes pétrolières, les réfugiés et la presse occupaient encore les quelques bastions où subsistaient des êtres vivants. Les ultimes réfugiés, dont certains étaient venus de la Nouvelle-Orléans, s'étaient pressés dans les bus de la ville pour former les derniers convois d'évacuation. Sur l'autoroute 59, 24 heures avant l'arrivée des premières rafales, des dizaines d'autocars escortés par les motos des services de sécurité avaient mis le cap au nord. La moitié sud de la ville, très peu élevée, pourrait voir déferler 1 à 2 mètres d'eau dans les rues. Elle a été vidée autoritairement de ses habitants. Si cette fois, toutes les précautions ont été prises, si tous les services d'assistance sont en place, la polémique est vive. L'ordre d'un départ massif a jeté au même moment sur les routes des centaines de milliers de gens. On craint maintenant qu'ils ne soient surpris dans les embouteillages par la tempête. Un mois après Katrina, qui a ravagé la Louisiane, l'arrivée de Rita provoque une nouvelle flambée du brut en menaçant les installations pétrolières du golfe du Mexique et les raffineries installées au Texas. La hausse du prix du pétrole, il est doublé en 2 ans, constitue une sérieuse menace pour l'économie mondiale, d'où l'inquiétude des ministres des Finances du G7 qui se retrouvent ce soir à Washington. L'analyse de Luc Lemonnier. Katrina avait paralysé fin août une dizaine de raffineries dans le golfe du Mexique. La moitié de ces installations n'ont toujours pas été remises en service, alors que Rita, un peu plus à l'ouest, menace maintenant 18 des 26 raffineries du Texas, un quart de la capacité de raffinage des États-Unis. Toutes les plateformes offshore de la côte texane ont été fermées et la production interrompue. C'est pour le coup un tiers du pétrole américain qui n'est plus produit. Le golfe du Mexique surveille Rita avec angoisse et les places financières regardent avec inquiétude le cours du brut. Au lendemain de Katrina, le prix du baril avait dépassé les $70, un record. En fonction des dégâts causés par Rita, on s'attend à peu près aux mêmes excès. Au point que les ministres des Finances des 7 pays les plus industrialisés vont tenter à partir de ce soir à Washington de trouver une riposte à ce pétrole exorbitant. Il a doublé en moins de 2 ans. Le pétrole qui sera l'unique sujet de cette réunion qui devait à l'origine évoquer la dette des pays pauvres ou encore les taux de change en Chine. La présence des troupes britanniques en Irak est de plus en plus violemment dénoncée par l'opposition britannique. Tony Blair refuse de voir la réalité, a expliqué Charles Kennedy, le chef des libéraux démocrates. Les incidents de Bassora ne font évidemment que renforcer cette opposition. Une manifestation est d'ailleurs prévue demain à Londres. La correspondance de Jean-Marc Four. Tony Blair est dans le déni.